Chapitre 7. Quand Marie eut 2 ans, Joachim dit à Anne, son épouse, « Conduisons-la au temple de Dieu, afin d'accomplir le vœu que nous avons formé et de crainte que Dieu ne se courrouce contre nous et qu'il ne nous ôte cet enfant. » Et Anne dit, « Attendons la 3e année, de crainte qu'elle ne redemande son père et sa mère. » Et Joachim dit, « Attendons. » Et l'enfant atteignit l'âge de 3 ans, et Joachim dit, « Appelez les vierges sans tache des Hébreux, et qu'elles prennent des lampes et qu'elles les allument, et que l'enfant ne se retourne pas en arrière, et que son esprit ne s'éloigne pas de la maison de Dieu. » Et les vierges agirent ainsi, et elles entrèrent dans le temple. Et le prince des prêtres reçut l'enfant, et il l'embrassa et il dit, « Marie, le Seigneur a donné de la grandeur à ton nom dans toutes les générations. Et, à la fin des jours, le Seigneur manifestera en toi le prix de la rédemption des fils d'Israël. » Et il la plaça sur le 3e degré de l'autel. Et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle. Et elle tressaillit de joie en dansant avec ses pieds. Et toute la maison d'Israël la chérit.